silence m'aise trop ici quand je m'adresse aux dissidents, dissipant mes immenses malaises. Gros, je suis qu'un clébard décidant de malaise. Faux qu'on me dresse aux vos dirigeants, maestro, maestro. J'assume ce que je dirige quand ma tête vaut qui se désamène et sans incidence m'arrêteront. Je réclame un silence assis dans ce manège. On résiste en récitant sa belle prose. Sois-je en maestro, je médise en médisant que je médite en rédigeant ma lettre. Oh, président, maestro, médisant si je dis que je te méprise en prédisant ta perte. Vaut grande puissance se plaise trop à s'unir pour du fric en se divisant le même pôle. Maestro, ma terre aux mains d'escrocs, érigeant des villes en détruisant sa belle faune. Du ciment dessinant ma thèse, nos requiers en résident à 10 dans la même piole. Ce prolo s'épuisant assis dans son divan, se disant que ce dimanche y'a l'auto. Et se mendiant, l'agisant par terre, en suppliant les passants, bien souvent maté de haut. Subissant la crise en sentiment. Fouille ton cœur. Si dans ces méandres y'a quelque chose déprimant, l'existence m'a l'air glauque. Tu finances des guerres en remplissant ta merco. Vomissant la merde qu'on nous propose, car ici à chaque aliment ça dextrose. L'Occident oxysant l'Afrique en oubliant qu'elle trime quand ton estomac explose. Moi j'expose mes opinions et je dis que nous oublions l'importance d'un verre d'eau. L'adolescence s'ennuie donc remplit son récipient, se réjouissant de boire des coups magistraux. Maestro, je précise au président que la Suisse en se métissant pour l'instant m'a l'air sauve. Au détriment de ceux qui vendent sa débauche et qui te vendent l'équipement de surveillance car c'est chaud. Produisant la méfiance, divisant pour régner liberté, se fait broyer par l'étau. Déguisant l'évidence, décrivant le réticent des vies en épiant chaque texto. Évitons de parler trop, combien d'innocents croupissent en bâtiments carcéraux. Nous disant partisans du chaos, étonnant que nos agissements soient bestiaux. Te maîtrisant par des mots séduisants, c'est puissant qu'on puisse en s'exprimant. Mater le fauve, nous habitant, c'est grisant maestro. Donc laisse-moi décrire en silence ma névrose.